Un été au Tessin, suivi de... Cet été-là, l'emploi du temps de Faustine s'articule entre ses virées au Tessin, son travail au restaurant et les soirées en célibataire, dans les dancing avec des copains de son âge. Quand Faustine rejoint René en cours de semaine, elle joue les assistantes afin qu'ils finissent plus tôt. Elle l'aide à descendre les gros rouleaux de moquettes depuis les toits plats où les grues les avaient déposés. Dieu que c'est lourd! Ça pèse un âne mort, ces trucs-là! Ensemble, ils les déroulent sur les espaces préalablement encollés avant de passer l'égaliseur pour enlever les bulles éventuelles. Quel boulot! Dès que René décide que la journée de travail est terminée, il emmène son ami visiter les alentours proches, réservant les excursions lointaines pour les week-ends. Ces soirs-là, après une agape roborative à l'albergo, ils profitent des longues soirées estivales pour sillonner les ruelles étroites jusqu'au lac, admirant au passage les citronniers, les orangers et les cèdres qui poussent dans les jardins des demeures bourgeoises, véritables petits châteaux pour certaines, pleines de coins et de recoins. Entre nous soit dit, Faustine est bien contente de ne pas les nettoyer. Au Tessin comme à Gstaad, mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Les ouvriers qui triment dans la fabrique de tabacs et cigares de Brissago ne la contrediraient sûrement pas, même si la misère est réellement moins pénible au soleil. Rhododendron et Bougainvilliers s'entendent bien à cacher les façades lépreuses. N'empêche, ces cigares, véritables clous de cercueil, sont infectes de puanteur, en plus d'être laids. Faustine les reconnaît pour en vendre épisodiquement aux retraités qui ne peuvent pas s'offrir des navires de choses. Les deux amis déambulent jusqu'au débarcadère, se promènent main dans la main, observant les îles de Brissago au loin. Sur la première, un jardin botanique dont on leur a dit que plus de 1700 espèces de plantes s'épanouissent, grâce à un microclimat exceptionnel. Sur l'autre, un hôtel de luxe bien garni de porte-monnaie grassouillet. Voiliers, bateaux et navettes sillonnent le lac majeur. On emprunte une vedette comme le bus en ville. Un jour où René n'aura pas besoin d'elle, Faustine se rendra à Locarno par voie lacustre. Immédiatement repérée par le capitaine, elle se verra, rougissante, carrément aux commandes du navire, après qu'il lui aura collé sa casquette sur la tête. Tu parles d'une aventure! Pendant les week-ends, les amoureux font de nombreuses escapades dans les vallées alentour. Ils visitent la vallée Maadja, vallée magique, le Val Versasca et son impétueuse rivière, le Val Marbaglia et les Cento Valli. Ils iront boire des boccalini de vin rouge dans des trattorie en mangeant du lapin chasseur à la polenta ou des gnocchi au parmesan. Ils admirent les villages typiques, aux maisons en pierre de taille et aux toits de tuiles grises. Ils prennent même le train qui traverse les Cento Valli, entre montagnes et précipices, passant par des ponts arachnéens suspendus au milieu des sapins. Ils remontent jusqu'à la source des rivières, qui traversent lascivement les hauts plateaux avant de partir à l'assaut de la roche, devenant rue, puis torrent, pour rejoindre le lac. Ils vont jusqu'au barrage de Borgone, à la frontière italo-suisse, puis terminent leur périple à Verdasio, le bout du monde. Faustine apprend avec stupeur que certains des habitants ne sont, de leur vie entière, jamais sortis de leur village. Inimaginable! De retour à Bâle, le contraste est violent. Il fait froid, il pleut. Faustine se sent très seule. Elle a le moral dans les chaussettes. Elle travaille sans enthousiasme, se laissant aller à la sinistrose. Depuis un bon moment, l'idée d'appeler son père devient obsédante. La jeune femme imagine leur conversation. Cela passe en boucle, visualise son géniteur, châtain aux yeux gris-vert comme elle. Elle rêve leur premier rendez-vous, trémolo dans les yeux et larmes dans la voix. Émotion forte garantie. Entendre ici les violons de la bande son de autant n'emporte le vent. soir, enfin, elle décide que cette fois c'est la bonne. Elle trouvera le courage d'aller jusqu'au bout. Nonobstant la promesse faite à sa mère de lui en parler d'abord, elle assumera sa démarche. Elle entrera dans cette relation sans a priori, sans entrave, lui laissera toutes ses chances. À lui, le père. Ils seront juste deux individus adultes, probes, intacts, désireux de se connaître. Après seulement, elle décidera si elle veut poursuivre ou pas. Voir la tête qu'il a, c'est ce qu'elle lui dira depuis la cabine téléphonique de l'autre côté de la rue, ce soir-là. Elle n'a pas voulu appeler depuis le restaurant. Elle s'est donné du courage en ingurgitant un nombre impressionnant, 3, de whisky. Puis elle est sortie, confiant ses rares clients à sa collègue. Le téléphone sonne longtemps. Malgré l'alcool et la cigarette Bicky, Faustine tremble. Ce serait bien le comble que son père soit absent, justement maintenant. « Allô ?» entend-elle en même temps que le bruit de la pièce qui tombe dans l'appareil. « Allô ? Bonsoir, papa. C'est Faustine. » Elle ne reconnaît pas sa propre voix. Heureusement, elle a appris son texte par cœur. « J'aimerais voir la tête que tu as. Pareil que je suis ta fille. »« Ta fille. Se rencontrer ?» Et lui avec son léger accent. « Bonsoir, Faustine. Moi aussi, j'aimerais bien te voir. Attends un peu. » S'adresse à sa femme, sans doute, par la voix basse. « Tu es là ?»« Oui. » »« Quelle question. Est-ce que tu es disponible mercredi ?»« Oui. Je termine à 4h. »« Si tu es d'accord, je passe te prendre à 4h30 devant le restaurant. Ça te va ?»« Je conduis une Plymouth jaune. » »« Ok, j'y serai. » Faustine raccroche, se rappelant soudain qu'il a été mécano, autrefois fondu de belles voitures américaines. Simple comme un coup de fil, on ne saurait mieux dire. Faustine est tellement soulagée qu'elle n'est même pas déçue, dans un premier temps, de s'être vue signifier un rendez-vous 3 jours plus tard seulement. De quoi est-il fait cet homme, ce père, capable d'attendre plus de 72 heures avant de rencontrer son enfant? C'était vrai alors qu'elle ne l'intéressait pas plus que ça? Parce qu'elle n'était qu'une fille? En même temps, c'est un poids énorme qui tombe de ses épaules. Dans 3 jours, elle fera sa connaissance. Ça y est, elle a osé!